Je comprends pas du tout où vous allez là. Vous êtes en train de vous planter en beauté. On reprend.